La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Écoutez. Avec la même grâce. Vous êtes sur France Culture. La radio. France Culture. Le feu teinte dans les cloches. Vous écoutez. Et la parole. France Culture. La radio. La clé des nuits légères. Vous écoutez France Culture. Vous écoutez France Culture. Vivez avec France Culture. Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. En 1932, sera inauguré dans la province du Shanxi un très ancien canal qui fut au cours des siècles souvent reconstruit car il permettait l'irrigation d'une terre touchée par la sécheresse, par la famine. La dernière restauration de ce canal a une histoire complexe et palpitante sur laquelle Pierre-Étienne Ville, titulaire de la chaire Histoire de la Chine moderne au Collège de France, s'est appuyé l'an dernier pour construire son cours consacré aux ingénieurs et philanthropes dans la Chine des seigneurs de la guerre, cours qu'il poursuit cette année. La Chine de cette période est celle de la transition et des troubles terribles qui l'accompagnèrent entre la fin du système impérial et la Deuxième Guerre mondiale. Rappelons-nous que le dernier empereur, Puyi, abdique en 1912. Donc, un très ancien canal appelé Tinhui, mais aussi canal Londong ou Zhengzhou du nom de son premier constructeur, rassemble autour de sa reconstruction tous les ingrédients de l'époque. Montée de la caste des ingénieurs, intervention des philanthropes, notamment américains, et de nombreuses luttes de pouvoir scandées de guerre civile. L'histoire de la reconstruction de ce canal est donc symptomatique de la situation chinoise dans cette première moitié du XXe siècle. Elle permet également de prendre un contact vivant avec des personnalités étonnantes et romanesques, des hommes qui étaient tous d'incroyables aventuriers et sont devenus par la suite des personnages de légende, ainsi qu'avec des groupes très représentatifs des nouveaux rapports de pouvoir, comme par exemple la CIFRC, c'est-à-dire la Commission internationale de secours contre la famine en Chine. Cette association philanthropique américaine, qui travaillait dans le même esprit que les empereurs chinois du XVIIIe siècle, à savoir « mieux vaut faire travailler les gens que les secourir », finançait des projets comme justement la reconstruction du fameux canal Tinhui en faisant appel à des experts, notamment des ingénieurs chinois et étrangers. Ce matin, Pierre-Étienne Ville rappelle les grands moments de cette histoire et met en place l'articulation entre son cours de l'an dernier et celui de cette année. Le projet de rénovation et de modernisation du système d'irrigation du Tinhui, auquel l'ingénieur Li Jue a été associé d'abord indirectement, avant d'en devenir le promoteur inlassable à partir de 1922, ce projet a été envisagé dès le lendemain de la révolution de 1911. Les premiers partisans, qui ne disposaient à ce moment ni des moyens financiers ni des compétences techniques pour entreprendre ne serait-ce que des études préliminaires sérieuses, ces premiers partisans donc étaient tous liés au milieu révolutionnaire qui avait commencé de s'organiser dans la province, dans la clandestinité bien sûr, pendant les dernières années de la dynastie des Qing, et qui s'était joint très rapidement au mouvement déclenché par la fameuse rébellion militaire de Wuchang dans la province du Hubei en Chine centrale en octobre 1911, ce mouvement ayant commencé à gagner une province après l'autre et ayant finalement fait tomber la dynastie et avec elle le régime impérial dans l'espace d'à peu près 3 mois. Il s'agissait donc d'un projet à la fois local et politique. Ces deux aspects étant étroitement liés au sens où partout en Chine, dès avant la fondation de la République et encore plus après, les idées de réforme et de modernisation allaient de pair avec un puissant mouvement d'autonomie provinciale. Ce mouvement, dans lequel on a parfois voulu voir une sorte de fédéralisme, ne disant pas son nom, le nouveau président de la République, le fameux Yuan Shikai, allait tenter d'y mettre un terme dès 1914, mais avec un succès plutôt mitigé et en outre un succès de très courte durée. En effet, dès le lendemain de sa tentative avortée de restauration impériale, restauration en sa faveur bien sûr, rapidement suivie de son décès en 1916, l'unité nationale qu'avait tenté de reconstruire Yuan Shikai a volé en éclats et la Chine s'est retrouvée divisée en une pluralité de satrapies, petites et grandes, contrôlées par des gouverneurs militaires provinciaux ou par des généraux de moindre envergure, dont les alliances et les contre-alliances constituent l'histoire de la décennie suivante et au-delà. Et cette décennie, qui va donc en gros de 1916 à 1927, correspond à la période, si l'on peut dire officielle, des seigneurs de la guerre, mais en réalité, les méfaits du militarisme local ont affecté la plupart des régions pratiquement dès le lendemain de la révolution de 1911, et ils ont perduré plusieurs années après la réunification théorique de la Chine sous le régime nationaliste installé à Nankin en 1928. L'histoire du projet hydraulique du Weibei jusqu'à la fin de 1930 est donc inextricablement liée, comme je le disais, à celle des rivalités entre militaristes locaux et des combats qu'ils se livrent périodiquement, sans parler des incursions occasionnelles d'armées extérieures à la province au gré des conflits entre coalitions interrégionales de seigneurs de la guerre. Et elle est d'abord liée à cet aspect des choses, soit dit en passant, et ça va de soi, du simple fait que les réquisitions et les déprédations des corps armés de tout acabit qui vivent sur la région sont une des causes majeures de la crise socio-économique profonde dans laquelle se débat la plaine centrale du Shaanxi pendant pratiquement l'ensemble de cette période. Pour beaucoup d'auteurs, en fait, aussi bien de l'époque qu'aujourd'hui, c'est en fait la cause majeure, plus encore que les sécheresses catastrophiques qui affectent la Chine du Nord, dont le Shaanxi, d'abord au début de la dynastie, de la décennie 1920, et ensuite à la fin de cette même décennie. J'avais évoqué l'année dernière la famine de 1920-1921, et je reviendrai plus tard en détail sur celle qui s'étend de 1928 à 1930, qui semble bien avoir été l'une des plus épouvantables de l'histoire de cette province. Or, le principal argument pour promouvoir le projet d'irrigation du Weibei, c'est qu'il devait permettre justement de sortir enfin de la misère les habitants d'une vaste zone située au cœur même de la plaine du Guangzhou et à proximité directe de la capitale de la province, ce périmètre d'irrigation donc que je vous ai montré tout à l'heure à l'écran. Mais sur un plan plus directement politique, ce qu'on constate entre 1917 et 1927 environ, c'est que ce projet d'irrigation ne pouvait pas se faire sans l'appui du régime en place à Xi'an, c'est-à-dire du seigneur de la guerre supposé gouverner la province à tel ou tel moment avec l'onction du gouvernement de Pékin, même si en pratique il n'en contrôlait jamais qu'une partie de cette province et même souvent une très petite partie autour de Xi'an. D'abord parce que lui seul, le gouverneur militaire, pouvait prétendre mobiliser les ressources locales dans le cadre des institutions civiles qui continuaient d'exister au moins nominalement, donc si l'on veut de les mobiliser, ces ressources, légalement. Et ensuite, parce qu'il est vite apparu que, en raison de la situation de crise économique à laquelle je viens de faire allusion, les ressources locales effectivement mobilisables étaient extrêmement réduites et que par conséquent, rien ne pouvait être envisagé sans une aide financière extérieure. Or, celle-ci devait nécessairement passer par ce qui tenait lieu de gouvernement légal de la province, c'est-à-dire par son gouverneur, qui était toujours un gouverneur militaire. Et c'est d'ailleurs là que nous retrouvons le troisième terme de l'équation, les organisations philanthropiques. Car il se trouve que, en dépit d'occasionnelles belles paroles et malgré une incontestable conscience des enjeux, malgré aussi une compétence technique non négligeable du côté des ministères chargés de moderniser l'économie, les infrastructures et l'enseignement du pays, le gouvernement de Pékin, à l'époque des seigneurs de la guerre, était presque totalement impuissant. Et plus particulièrement, en l'occurrence, il était dans l'incapacité, que ce soit politiquement ou plus encore fiscalement, de piloter, de financer et de mener à bien des grands travaux d'infrastructure dans les provinces afin de lutter contre la misère, le sous-développement et la famine. Autrement dit, dans la Chine de ces années, des années 20, après 1930, la situation commence à changer un peu, dans la Chine des années 20, des entreprises de ce genre n'étaient guère concevables sans l'aide d'organisations non gouvernementales. C'est donc de cela qu'il s'agit dans le cas présent, lorsque je parle de philanthropie. Et puisque nous y sommes, le moment est peut-être venu que je précise un peu, autant que faire se peut, ce que recouvre ce terme, du moins tel que je l'emploie. Je l'emploie en l'occurrence dans le sens, peut-être plus usuel en anglais qu'en français, d'entreprise humanitaire ou charitable, même si le champ sémantique de tous ces termes n'est jamais exactement le même, comme on va voir. Disons que ce qui caractérise la philanthropie dans le sens où j'en parle, et c'est pour ça que je dis que c'est un peu plus dans l'usage anglo-saxon, ce qui la caractérise, c'est d'abord qu'elle est organisée. Ce n'est pas simplement une attitude, ni une démarche individuelle, mais c'est, si j'ose dire, un business, un métier, qui repose sur la mobilisation de ressources humaines et financières importantes, et qui exige des moyens d'organisation et de gestion. Et qui exige, pour cette raison, des cadres. Des cadres qui peuvent être bénévoles ou professionnels, mais qui doivent posséder un certain degré de spécialisation et une certaine expérience dans ce genre d'activité. Ce qui la caractérise aussi, la philanthropie, c'est qu'elle est désintéressée, en tout cas du point de vue économique, sans quoi ça ne serait pas de la philanthropie, bien sûr. Autrement dit, il s'agit d'activités dont les promoteurs ne recherchent pas le profit, même indirectement et même à long terme. Mais cela ne signifie pas toujours qu'elle soit désintéressée à tous les points de vue, si bien qu'il n'est pas inutile de proposer, même rapidement, quelques distinctions avant de m'engager plus avant. L'humanitaire pur et simple, disons, dont le seul et unique but est de soulager les souffrances des autres, cela existe, cela va sans dire. Par exemple, à un niveau global, les organisations humanitaires qui dépendent aujourd'hui des Nations Unies, comme le Haut Commissariat pour les réfugiés ou un certain nombre d'autres organismes spécialisés, ont pour vocation unique d'intervenir partout où des gens fuient la guerre et les persécutions, sont victimes de catastrophes naturelles, etc. Le but, c'est de diminuer le niveau de souffrance dans le monde. Et par-delà, c'est d'œuvrer pour améliorer la sécurité physique et économique des populations, neutraliser les foyers de conflit, réduire l'incidence de la guerre, bref, et sans avoir peur des grands mots, contribuer au bien-être de l'humanité. De la même façon, on peut sans doute dire que des organismes internationaux, mais privés, comme la Croix-Rouge, relèvent eux aussi de ce que j'appelle l'humanitaire pur et simple, ou pourrait-on peut-être dire l'humanitaire sans arrière-pensée. Et nous verrons que la Croix-Rouge a été très présente dans les affaires qui nous concernent dans les années 1920, donc, ou plus exactement, plusieurs branches de la Croix-Rouge américaine, la Croix-Rouge chinoise et la Croix-Rouge internationale, qui ne fonctionnaient pas en tandem. Et c'est encore là qu'on peut mentionner une organisation dont j'ai souvent parlé déjà et dont je reparlerai beaucoup parce qu'elle a été très directement impliquée dans le projet d'irrigation du Weibei. Il s'agit bien sûr de la China International Famine Relief Commission ou CIFRC comme je l'appellerai par son acronyme parce que c'est plus simple. Ou donc en français la Commission internationale de lutte contre la famine en Chine. Dont le nom anglais je viens de vous le donner et dont le nom chinois je vais vous le donner tout à l'heure. Non, le nom chinois, le voilà, c'est le la Huayang Yizhenhui. C'est un nom d'ailleurs, Yizhenhui. C'est d'ailleurs un nom abrégé, mais peu importe le nom complet. C'est comme ça qu'on l'appelle usuellement. Ouais, excusez mon mélange de caractères simplifiés et de caractères non simplifiés, c'est plus pratique pour moi. Hua Yang Yi Chen. Ouais. Et dans ce nom, les deux premiers caractères, Hua et Yang, indiquent qu'il s'agit d'une société, enfin d'un organisme sino-étranger. Et les deux suivants, c'est-à-dire I et Jen, désignent le fait qu'il s'agit d'une organisation dont l'activité est de distribuer des secours, c'est le sens du caractère Jen, et de les distribuer en quelque sorte par sens du devoir, parce que c'est juste, dans l'intérêt public et bien sûr gratuitement, c'est-à-dire sans en entendre de retour. Et ces quatre traductions que je vous propose sont autant de façons de rendre le mot I dont le sémantisme est extrêmement riche et qui par là même est difficile à rendre d'un seul mot dans une autre langue. Et bien sûr, ce mot « i », je le rappelle au passage, est une des vertus confucéennes cardinales. Et il est alors souvent traduit par « justice » ou « sens de la justice », et on l'oppose toujours, son antonyme traditionnellement, c'est le sens du, c'est la recherche de l'intérêt, c'est-à-dire c'est l'i. Peu soucieuse d'être prise en otage dans les conflits idéologiques et politiques et militaires inextricables et sans fin qui singularisent l'histoire de la Chine républicaine, et même si elle n'a pas toujours entièrement réussi à s'en protéger, la CIFRC, et c'est là que je voulais en venir, a toujours hautement revendiqué son caractère non seulement non lucratif, mais encore non gouvernemental, international, apolitique et non confessionnel. Ce qui était en effet indispensable pour que sa légitimité soit reconnue par tout le monde sur la scène chinoise et qu'elle puisse par conséquent fonctionner sans subir d'entraves. Je vais tout de suite reparler de la CIFRC en l'abordant sous un autre angle, mais ce que je voulais d'abord rappeler, c'est que cette philanthropie désintéressée, mue par l'esprit public et par le seul souci du bien de l'humanité, disons, n'est pas toute la philanthropie. Cette dernière notion en englobe une autre qui n'en est pas le synonyme, même si elle se recouvre en partie, et qui, en français surtout, a une nette connotation religieuse. Et je veux bien sûr parler de la charité, ou de la bienfaisance. Le mot correspondant en chinois serait alors plutôt tshan. Ça, ici. Tshan. Qu'on peut gloser par faire le bien, c'est le sens du deuxième caractère, shan, par le faire par compassion. Ce mot tse dans ce shan a un emploi général qui signifie simplement aimer et qui est le plus ancien en chinois, mais il a aussi acquis un usage bouddhique et, si je puis dire, spécialisé. Et dans ce cas, c'est de la compassion pour l'humanité souffrante. C'est de la compassion pour l'humanité souffrante qu'il s'agit, de l'humanité qu'il faut justement aider à échapper au cycle de la souffrance. De fait, comme nous le verrons le moment venu, parmi les multiples organisations philanthropiques mentionnées en Chine pendant les années 1920 et 1930, et dont beaucoup sont intervenues au Shaanxi, au moment de la grande famine qui commence en 1928, plusieurs portent des noms contenant ce mot « Shan » et sont plus ou moins ouvertement bouddhiques, et parfois très officiellement. Par exemple, nous rencontrerons une organisation importante, présidée par un pittoresque général, qui a consacré la deuxième partie de sa vie aux bonnes œuvres, après avoir été pendant la première, c'est-à-dire avant sa conversion au bouddhisme, un assez redoutable chef de la police en Mandchourie, qui était surnommé le boucher. On trouve aujourd'hui encore des notices édifiantes à son sujet sur les sites internet d'un certain nombre d'associations bouddhistes chinoises. Une organisation donc dont le nom chinois est Huabei Shan Twenty Yanhehui, autrement dit, en français, Fédération des organisations charitables de Chine du Nord, et dont le nom officiel en anglais est Associated Buddhist Charities. Donc, au moins, dans son nom anglais, elle ne cache pas son affiliation confessionnelle. Or, et c'est là le point que je voulais souligner, on peut voir dans certaines sources datant de la grande famine de 1928 à 1930 au Shaanxi que ces organisations, outre qu'elles participaient à l'effort commun pour lutter contre les conséquences de la famine, c'est pourquoi certaines d'entre elles arrivaient en fait à mobiliser des moyens très importants, que ces associations pratiquaient aussi pour leur propre compte une forme de charité bouddhique, comme on parle de charité chrétienne, qui comportait un fort élément de prosélytisme. La combinaison des entreprises humanitaires et du prosélytisme religieux n'est d'ailleurs pas particulière au bouddhisme, cela va sans dire, et pour rester dans le même contexte, on la retrouve dans les activités des missionnaires catholiques ou protestants qui étaient implantés dans les régions frappés par la famine. Et après tout, leur raison d'être en Chine, c'était de convertir les gens. Je pourrais d'ailleurs ajouter, bien qu'il ne s'agisse pas exactement de la même chose, que la dimension religieuse de la philanthropie est un vieux thème chinois, moins d'ailleurs au sens de chercher à convertir les autres en faisant le bien que de chercher à se sauver soi-même. Ce que je voulais simplement souligner, c'est le fait que ce que j'ai appelé la philanthropie, c'est-à-dire les formes d'aide ou de secours non gouvernementales sous forme de transfert n'impliquant aucun bénéfice économique, de loin ou de près, que ce que j'ai appelé la philanthropie peut en revanche aller de pair avec une visée idéologique, quelle qu'elle soit, et que le prosélytisme dont j'ai parlé peut être, de façon plus ou moins explicite, et aussi de façon plus ou moins consciente, un prosélytisme politique ou culturel, voire simplement nationaliste, ou même relevant de ce patriotisme provincial ou local qui est toujours si fort en Chine, aussi bien que religieux. Mais il ne s'agit jamais de distinctions simples ni de situations tranchées, j'y insiste, surtout dans des circonstances d'urgence tragique comme celles que je décrirai. Et les leaders les plus en vue de la philanthropie dans la Chine républicaine pouvaient très bien porter plusieurs casquettes ou tenir plusieurs discours suivant les situations auxquelles ils étaient confrontés et suivant le public auquel ils s'adressaient. Cela étant, j'étais parti dans ces considérations sur la philanthropie en remarquant que dans les années 1920, et en fait dans les années suivantes aussi, une entreprise comme le projet d'irrigation du Weibei dans la province du Shaanxi n'était pas concevable sans une aide extérieure à la province. Et qu'en raison de la faiblesse financière et politique de l'État chinois à cette époque, cette aide ne pouvait venir que d'organismes non gouvernementaux, autrement dit de ce que j'ai appelé la philanthropie, que celle-ci fût nationale ou internationale. Et c'est là qu'il me faut reparler de la Commission internationale de secours contre la famine en Chine, donc de la CIFRC, et c'est là aussi que nous retrouvons le thème de l'ingénierie. Comme je l'avais déjà expliqué l'année dernière, la CIFRC, dont le comité directeur était composé à part à peu près égale de notables chinois occidentalisés, presque tous avaient fait leurs études à l'étranger et beaucoup étaient chrétiens, et d'Européens ou d'Américains résidant en Chine, la CIFRC donc avait été fondée à Pékin à la fin de 1921 en fédérant un certain nombre de comités provinciaux sino-étrangers de lutte contre la famine qui s'étaient organisés pendant la grande sécheresse de Chine du Nord en 1920 et 1921. Les détails du processus de cette fondation n'ont pas d'importance ici. Ça avait été quand même un peu plus compliqué que ce que je viens de suggérer car il y avait des résistances et des rivalités. Et il avait fallu quand même un certain temps de négociation avant d'arriver à un accord et de fonder cette fédération. Ce qui est important, en revanche, parce que c'était une nouveauté en Chine, c'est que l'objectif était de mettre en place une structure permanente, prête à intervenir là où et quand survenaient des sécheresses ou des inondations, créant des situations de famine, avec toutes les conséquences socio-économiques que ces situations entraînaient. Cette idée d'une structure permanente pour lutter contre la famine semblait déjà se justifier par la fréquence et par l'ampleur apparemment sans précédent du phénomène, à quoi s'ajoutait sa visibilité internationale beaucoup plus grande qu'avant. Cette visibilité, le fait que la famine en Chine est devenue une affaire connue et dont on parle dans le monde entier, remonte en fait plus haut, elle remonte à la grande famine du milieu des années 1870 en Chine du Nord, dont je redirai probablement aussi un mot. Après tout, c'est de cette époque, et là je parle de la famine de 1920-1921, c'est de cette époque que date la représentation populaire de la Chine comme terre de famine. Chine, terre de famine, c'est-à-dire dans l'original China, land of famine, c'était justement le titre d'un ouvrage qui était paru peu après, en 1923, et qui avait eu un grand retentissement à l'époque. Son auteur, Walter Mallory, était d'ailleurs un des fondateurs de la CIFRC et il en avait été, pendant les premières années, un des premiers dirigeants. Et j'ajoute aussi, pour nous ramener à notre fil conducteur, c'est que Mallory a été l'un des premiers, peut-être le premier visiteur occidentaux du site d'irrigation du Weibei. Mais le caractère permanent du nouvel organisme se justifiait aussi par d'autres raisons. D'abord, il y avait le fait que la famine semblait plus que jamais être, comme je viens de le dire, un phénomène récurrent et inévitable. Du coup, il apparaissait peu rationnel d'avoir à se remobiliser et à se réorganiser à chaque fois. Ensuite, et surtout, il y avait le fait que l'objectif de la nouvelle organisation, sa doctrine en quelque sorte, était plus spécialement de prévenir les famines dans la mesure du possible, ou au moins d'en prévenir les effets les plus graves, en agissant sur leurs causes structurelles et en agissant dans le long terme. En d'autres termes, et comme certains organismes, la Croix-Rouge américaine en particulier, l'avait fait déjà dans quelques régions pendant la famine de 1921 plutôt, l'idée était de contribuer à l'édification d'infrastructures modernes ou modernisées, d'irrigation et de protection hydraulique, donc des canaux, des digues, afin de diminuer l'impact humain des accidents climatiques naturels, des pluies exceptionnelles, les crues des grands fleuves, les sécheresses, et ainsi de suite. Un autre type d'équipement dont la Chine manquait encore presque partout, en dehors de quelques grands axes dans les provinces de l'Est et du Centre, c'était les infrastructures modernes de transport, c'est-à-dire les routes carrossables et les voies ferrées. Or, la famine résultait très souvent non pas de l'absence de surplus disponibles ici ou là, mais bien de l'impossibilité de les transporter en quantité suffisante et suffisamment vite, faute de transport ferroviaire ou routier, ou d'une combinaison des deux, afin de secourir les zones souffrant de crises de subsistance, dès lors que ces zones étaient un tant soit peu difficiles d'accès avec les moyens de transport traditionnels. Parfois aussi, comme on verra, ce n'était pas par défaut d'accès ferroviaire, mais parce que le matériel roulant avait été réquisitionné par les militaires. Et c'est là un autre type de problème, un type de problème qui suscitait d'ailleurs bien des dilemmes du côté des bailleurs de fonds internationaux d'une organisation comme la CIFRC. En effet, comment aller solliciter la générosité du public américain ou européen, même avec les descriptions les plus déchirantes et en faisant appel aux sentiments les plus élevés, quand il s'agissait de secourir des populations dont les souffrances étaient d'abord et avant tout le résultat des carences de leur propre gouvernement, et pire encore, des déprédations de leurs propres armées. J'aurai de toute façon l'occasion de reparler de ce genre de débat, mais un point qu'il est malgré tout important de souligner au passage, c'est que si la notion d'une action préventive, comme celle que je viens d'évoquer, c'est-à-dire en améliorant les infrastructures, semblait originale en Chine dans les dernières années de l'Empire et dans les premières de la République, c'était seulement par rapport à un passé relativement récent. Le seul passé, en fait, qui avait une existence concrète dans la mémoire des intervenants occidentaux en Chine à cette époque. C'est-à-dire par rapport aux dernières années, aux dernières décennies plutôt, de la dynastie Mandchou des Qing, disparue donc après la révolution de 1911. Pour toutes sortes de raisons qu'il serait beaucoup trop long de développer ici, depuis les grandes crises qu'il avait secouées au milieu du XIXe siècle, en gros entre 1850 et 1870, donc, depuis ces grandes crises, les capacités d'intervention et d'initiative de l'État impérial dans ce domaine étaient extraordinairement limitées. En fait, l'essentiel des énergies des hauts fonctionnaires et des gouverneurs de provinces réformateurs à la pointe des efforts pour sortir le pays de la crise et pour faire retrouver sa grandeur à l'Empire, après la confrontation catastrophique avec les puissances européennes au moment des guerres de l'opium, l'essentiel de leurs énergies et en même temps l'essentiel des ressources qu'arrivait encore à mobiliser l'État en matière de développement était concentré sur la création d'une base industrielle moderne dont l'objet était de renforcer le pays militairement et de résister à la concurrence commerciale de l'Occident. En revanche, au siècle précédent, c'est-à-dire au XVIIIe, les politiques infrastructurelles de prévention des calamités naturelles, intéressant donc le monde rural au premier chef, était tout à fait central dans le discours et dans la pratique de ce que j'ai proposé dans un ouvrage déjà ancien d'appeler l'administration de la famine, traduisant le chinois Pangzheng, l'administration de la famine, qui était bien sûr une affaire d'État. Si bien que lorsque pendant les calamités naturelles récurrentes qui marquent les 15 dernières années des Qing, les missionnaires chrétiens, qui sont les premiers occidentaux à s'investir activement dans la lutte contre la famine en Chine, critiquent les distributions de secours gratuits qu'essayent tant bien que mal d'organiser les autorités locales et souhaitent qu'on profite de la situation pour réparer les digues ou construire des routes, ils ne font en réalité que préconiser sous une forme modernisée une politique qui avait connu ses belles heures à l'apogée de la dynastie des Qing. Et je pourrais encore ajouter qu'il est possible en effet de dire que la CIFRC a été la première structure permanente en Chine vouée à s'occuper de ces problèmes, mais seulement si l'on entend par là la première structure permanente spécialisée. C'était en fait un rôle que jouait traditionnellement l'État impérial, de la façon la plus permanente qui puisse être, et un rôle pour lequel il était particulièrement bien armé au XVIIIe siècle, en termes de ressources, de personnel et aussi de procédures établies. Quoi qu'il en soit, et pour y revenir, la CIFRC se donnait pour principale vocation, comme nous l'avons vu, de faire sortir la Chine du cycle apparemment sans fin des famines en promouvant des politiques de développement. Elle avait en fait deux grands programmes qui poursuivaient cet objectif. D'une part, il y avait un programme de développement du crédit coopératif rural, dont je n'aurai pas spécialement l'occasion de parler, car c'est une question assez éloignée du sujet de mon exposé, et en outre, il se trouve qu'on n'a pas tenté d'appliquer ce programme dans la région qui nous concerne, donc au Shanxi. Et d'autre part, un programme de travaux publics visant à améliorer la sécurité alimentaire dans un certain nombre de régions, en créant ou en modernisant des réseaux d'irrigation, en reconstruisant des dispositifs de digues et en aménageant des routes carrossables pour rendre accessible au transport automobile certaines régions particulièrement enclavées. Pour concevoir et réaliser ce programme en travaux publics, la CIFRC avait établi en son sein, à la fin de 1923, un département d'ingénierie dont la direction avait été confiée à un ingénieur américain extrêmement actif et entreprenant et très connu dans les milieux de la philanthropie internationale en Chine à cette époque, très lié aussi à cette élite d'ingénieurs chinois formés à l'occidental à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure, un nommé O.J. Todd, on l'appelait toujours par ses initiales, comme souvent les Américains. C'est ce second aspect de l'action de la CIFRC en matière de politique de développement, donc l'aspect infrastructure, qui nous intéresse au premier chef, bien sûr, car, pour revenir à ce que je disais il y a un moment, l'intervenant extérieur qui a manifesté le plus grand intérêt pour le projet d'irrigation du Weibei et de modernisation du canal Jinghui dans les années 1920 et qui en a finalement rendu possible la réalisation au début des années 30, c'était précisément la CIFRC. En bref, et malgré les accusations d'ingérence ou d'arrière-pensée impérialiste dont elle était occasionnellement l'objet en Chine, en raison de la forte présence d'occidentaux dans ces instances dirigeantes et en raison aussi peut-être de l'origine d'une partie de ces fonds, le fait par exemple qu'elle touchait une surtaxe sur les droits de douane à l'importation servant à lui assurer un soutien de base régulier, dont la perception avait été approuvée par les puissances étrangères qui contrôlaient à cette époque l'administration des douanes chinoises, malgré aussi certaines frictions avec le gouvernement nationaliste après 1928. Malgré tout cela, donc, je crois qu'on peut dire que la CIFRC était le type même de l'organisation humanitaire, non gouvernementale, cherchant à mobiliser la charité aussi bien nationale qu'internationale pour financer des programmes dont le but explicite était d'abord d'alléger les souffrances des victimes des calamités naturelles et, par-delà, de contribuer au développement de la Chine afin de créer les conditions socio-économiques d'une normalisation politique du pays, à une époque où, de ce point de vue, régnait le chaos le plus complet, de telle sorte que, à terme, la Chine puisse s'engager par ses propres moyens et en toute indépendance dans la voie de la prospérité et de la démocratie. Cela étant, c'est peu dire qu'en 1920, on n'en était pas encore là. En fait, les situations auxquelles étaient confrontées de la façon la plus immédiate les organisations philanthropiques dans ces années, dans la mesure où le gouvernement était pratiquement incapable de faire quoi que ce soit, ou en tout cas, c'était très limité, les obligeait, dans la mesure où les situations donc auxquelles étaient confrontées ces organisations, les obligeaient à se préoccuper en premier lieu de la simple survie des populations. C'était, comme nous l'avons vu, les famines. Dès lors que celles-ci cessaient d'être un phénomène limité dans l'espace et prenaient une ampleur régionale, ou que leurs effets étaient aggravés par le désordre politique et la désorganisation sociale, par le banditisme et l'insécurité, par les exactions de la soldatesque, à un point tel que tout projet de développement, même à moyen terme, devenait impossible à réaliser, ou simplement, dès lors qu'elles atteignaient ces famines un niveau de gravité et d'urgence qui faisait qu'il fallait intervenir le plus vite possible et en essayant d'atteindre le plus de personnes possible. Devant de telles situations, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire que de s'organiser pour distribuer dans les zones de famine, en argent ou en grains, suivant les circonstances, les secours qu'on avait réussi à mobiliser et sans attendre. Car c'était le seul moyen d'empêcher les paysans d'abandonner leurs villages et leurs exploitations, de devenir donc des réfugiés qui poseraient des problèmes encore bien plus aigus, ou tout simplement de mourir sur place. Malgré la priorité qu'elle donnait en principe aux politiques préventives de développement et qui justifiait, comme nous l'avons vu, son existence en tant qu'organisme permanent, je veux dire, même lorsqu'il n'y avait pas de famine. Malgré cela, donc, la CIFRC était bien souvent contrainte par les événements de s'engager dans des distributions de secours d'urgence à fond perdu et sans retour en termes d'assurance contre de futures famines. La même chose, donc, que ce que faisaient les organisations charitables plus traditionnelles, qu'elles fussent chinoises ou étrangères, et sans trop se poser la question de savoir si l'origine des souffrances auxquelles elles tentaient de remédier était climatique, que ces souffrances étaient donc inévitables, imparables, ou si elle était politique, ce qui posait des problèmes de principe très débattus justement dans les milieux de la philanthropie internationale en ce qui concernait la légitimité de leurs interventions. Quoi qu'il en soit, la méthode de la CIFRC cherchait à mettre en œuvre aussi systématiquement que possible, consistait à faire d'une pierre deux coups, autrement dit à combiner les distributions de secours et la réalisation de grands travaux d'infrastructures susceptible d'améliorer la capacité des économies locales à faire face aux accidents climatiques dans le futur. Le principe était de distribuer les secours préalablement mobilisés et amenés sur place aux hommes sous forme de salaire d'un montant juste suffisant pour qu'ils puissent nourrir leur famille et de les faire travailler sur les chantiers. Soit dit en passant, c'est une méthode qui existait depuis longtemps en Chine, où elle faisait partie de l'arsenal des techniques de lutte contre la famine, progressivement mise au point par l'État impérial. Arsenal, ou méthodologie si vous voulez, qui était arrivé à son plus haut degré de maturité et d'efficacité au XVIIIe siècle. Il faut aussi préciser que, à l'époque républicaine, la CIFRC n'était pas la seule instance à vouloir la mettre en œuvre, cette méthode. Mais, dans les années 1920 au moins, avant que certains responsables nationalistes ne commencent à grogner que cet organisme étranger que le gouvernement ne contrôlait pas empiétait sur ses prérogatives du gouvernement, dans les années 1920 au moins, donc, les responsables de la CIFRC considéraient que c'était un peu leur domaine particulier d'expertise et que leur grand projet d'infrastructure permettait de combler justement les défaillances des pouvoirs publics. Et c'est d'ailleurs un rôle que les plus hautes autorités nationalistes devaient consentir à reconnaître à la CIFRC au moment des célébrations de son 15e anniversaire en 1936, lorsque par exemple le ministre de l'Intérieur avait proclamé au cours d'un toast que la CIFRC avait joué un rôle de pionnier avant que le gouvernement, c'est-à-dire avant que le gouvernement nationaliste, ne prenne la relève et que ses efforts pour construire les dispositifs hydrauliques, des routes, etc., je cite, allaient bien au-delà des tâches d'une organisation ordinaire de secours contre la famine. Dans tous les cas, faire fonctionner ces chantiers de famine, si on peut les appeler ainsi, supposait des capacités d'organisation et un savoir-faire considérable. Les ingénieurs qui étaient envoyés à la tête des chantiers, sous la haute responsabilité de l'ingénieur en chef O.J. Todd, qui à cette époque concevait les opérations, les négociait avec les autorités et les supervisait, mais les dirigeait assez peu sur le terrain, ces ingénieurs donc devaient non seulement mettre au point les projets à exécuter, faire les relevés, les plans, les calculs de coûts, prévoir les équipements à faire venir et planifier les opérations en fonction de diverses contraintes de temps et de moyens, ils devaient aussi recruter et organiser des milliers de travailleurs, donc parmi les populations affamées, traiter avec les autorités locales, négocier avec les contremaîtres et tous les intermédiaires, s'assurer que la paie arrivait à temps et qu'elle était dûment versée à qui de droit, arbitrer les conflits et les disputes, parfois même faire le coup de feu pour défendre leur chantier contre les attaques de bandits qui étaient toujours à craindre dans les zones de famine, et ainsi de suite. De ce point de vue, les ingénieurs en travaux publics qui travaillaient dans des régions souvent difficiles d'accès et où les circonstances pouvaient être assez chaotiques, exerçaient un métier on ne peut plus différent de celui de leurs collègues spécialisés dans l'ingénierie urbaine ou industrielle ou travaillant dans des administrations publiques, même si les uns et les autres adhéraient aux mêmes associations professionnelles. Et en fait, ces conditions étaient assez différentes de celles de leurs collègues dirigeant des grands projets routiers ou hydrauliques en Europe ou en Amérique, dans des conditions, disons, normales et avec un niveau d'équipement technique sans comparaison avec ceux dont on disposait en Chine. Tel était donc le cas des responsables du chantier du canal Tsinghua, près de Xi'an au Shanxi, qui a fini par s'ouvrir à la fin de 1930 sous les auspices de la CIFRC et pour l'essentiel grâce aux moyens financiers qu'elle avait réussi à mobiliser. Les ingénieurs étaient en majorité chinois, mais le chef du projet, sur place, du moins pour la partie la plus difficile du chantier, était un Norvégien nommé Sigurd Eliassen, engagé pour la circonstance par la CIFRC. Un personnage dont j'ai parlé et dont je reparlerai aussi. Et donc, je ferai, le moment venu, le récit de ce qu'on peut bien appeler leurs aventures. Nous n'en sommes toutefois pas encore là. Pour le moment, je crois avoir à peu près remis en place, avec tout ce que je viens d'exposer, le cadre général dans lequel se situe cette affaire, et qui est en même temps le cadre général de mon propos, lequel s'articule donc en trois volets. Premièrement, comment un certain nombre de projets importants d'infrastructures et de développement économique dans les premières années de la Chine républicaine ont été réalisés par des organismes non gouvernementaux, dont la vocation première était de lutter contre la famine en Chine, la CIFRC, où l'influence européenne et surtout américaine était très grande, étant de loin le plus important d'entre eux. Deuxièmement, le fait que ce type d'action, et surtout l'impact qu'il a eu à plus long terme, est inséparable de l'émergence d'une élite de techniciens chinois, des ingénieurs en travaux publics en l'occurrence, dont les plus en vue avaient été formés à l'étranger et qui étaient en relation étroite avec leurs collègues américains ou européens expatriés en Chine, lesquels étaient parfois directement impliqués dans ces entreprises philanthropiques, et enfin et surtout la façon dont ces entreprises des années 1920 et du début des années 1930 se déroulaient dans un contexte le plus souvent chaotique, aussi bien socialement que politiquement, et la façon dont elles devaient être sans cesse négociées avec un gouvernement impuissant mais jaloux de ses prérogatives, ou alors, surtout avant 1930, avec les militaristes régionaux qui détenaient la réalité du pouvoir dans une grande partie de la Chine. Ce dernier aspect, j'en avais beaucoup parlé dans mon cours de l'année dernière. Je m'étais efforcé d'exposer, avec autant de clarté qu'il est possible de le faire, la façon dont les alliances et contre-alliances, les marches et contre-marches, des coalitions de militaristes qui se sont affrontées en Chine depuis pratiquement le lendemain de la révolution de 1911 jusqu'à la réunification du pays par le régime nationaliste en 1928 et au-delà, comme nous le verrons, comment toutes ces grandes manœuvres retentissaient sur la situation locale dans la vallée de la Wei et aux alentours de Xi'an, donc à proximité immédiate du périmètre d'irrigation du Weibei. Dans la mesure où les seigneurs de la guerre qui réussissaient à conquérir le fauteuil de gouverneur militaire du Shanxi, c'est-à-dire à en devenir le Jutun, puisque c'était le terme courant à l'époque, qu'on rencontre très souvent dans la littérature en langue occidentale avec sous cette transcription. Donc, dans la mesure où ces seigneurs de la guerre qui devenaient gouverneurs militaires du Shanxi dépendaient de leurs alliances, à Pékin et ailleurs pour s'y faire confirmer officiellement et ensuite pour y rester, et qu'une fois en place ils pouvaient faire à peu près ce qu'ils voulaient, au moins dans les zones qu'ils arrivaient à contrôler directement, il est clair que les aléas de la politique au niveau national, et Dieu sait que c'était compliqué, avaient un impact parfois très direct, même dans une province relativement périphérique comme le Shanxi, et donc qu'ils avaient un impact sur le sort du projet d'irrigation du Weibei, puisque rien ne pouvait être fait sans le soutien ou au moins sans l'assentiment du Jujun en place. J'avais donc retracé parallèlement, en m'arrêtant provisoirement en 1927, l'histoire politico-militaire de la région du Guangzhou, donc du Shanxi central, et celle des efforts d'un certain nombre de patriotes locaux, dont l'ingénieur Li Jie, mais pas seulement lui, pour réaliser les études nécessaires à la mise au point d'un projet de modernisation de l'irrigation dans le Weibei, qui tienne la route du point de vue technique, et ensuite pour trouver les financements extérieurs sans lesquels il était impossible de démarrer quoi que ce soit. Quand je parle de patriotes locaux, je fais allusion à ce fort sentiment d'appartenance provinciale et de défense des intérêts provinciaux qui s'est affirmé à la faveur du mouvement dit d'autonomie locale ou d'autogouvernement, dans les dernières années du régime des Qing, mouvement concrétisé notamment par l'élection d'assemblées provinciales et par la mise sur pied d'armées provinciales modernes, et qui a donné corps au quasi-fédéralisme des premières années de la République, auquel j'ai fait allusion tout à l'heure. Or, ces patriotes qui étaient impliqués dans l'histoire du canal étaient tous associés également à ces mouvements politiques. Ça aussi, j'en redirai un mot. Dans le cas du Shanxi, ce patriotisme provincial, entretenu en particulier par un certain nombre de notables réformateurs, ou même révolutionnaires, au sens où ils étaient partisans de renverser la dynastie Mandchou et d'instaurer un régime républicain, ce patriotisme était surdéterminé par le contraste entre, d'une part, la misère et le sous-développement qu'ils avaient sous les yeux, le fait que le Shanxi était réputé être une des provinces les plus pauvres et les plus ingouvernables de l'Empire, et ensuite de la République, et, d'autre part, son passé prestigieux. Après tout, la plaine du Guangzhou était un des berceaux de la civilisation chinoise. Xi'an avait été le site des capitales, capitales des deux plus glorieuses dynasties impériales, les Han à la fin de l'Antiquité et les Tang à l'époque médiévale, et les traces de cette splendeur depuis longtemps disparue étaient partout en évidence. Aujourd'hui encore, malgré les pillages, mais grâce à l'archéologie, c'est une des régions de Chine les plus riches en antiquités et en monuments du passé, et pour cette raison, l'une des plus touristiques. Or, l'un des vestiges les plus notoires, sinon les plus visités, de la prospérité ancienne du Shanxi, c'était justement le vieux canal conçu par l'ingénieur Zheng Guo au IIIe siècle avant notre ère, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, passait pour avoir décuplé la productivité du royaume de Qin et avoir permis à son roi de devenir le premier empereur de Chine en conquérant tous ses rivaux. Et de fait, et j'en avais donné de nombreux exemples, et de fait, la référence à l'empire des Qin et des Han et la rhétorique du renouveau sont omniprésentes dans les textes et dans les déclarations des promoteurs de la modernisation du canal. L'ingénieur Li Jue en tête. Li Jue, qui n'était encore qu'un étudiant en ingénierie ferroviaire, avait été convaincu par un des en 1912, je crois, par un des notables à la tête du mouvement révolutionnaire de 1911, au Shanxi, de retourner en Allemagne et se spécialiser en ingénierie, cette fois hydraulique, afin de restaurer la puissance économique du Guangzhou en y édifiant une irrigation moderne, dont le nouveau canal Tinghui, qui ne s'appelait pas encore le Tinghui, serait le dispositif clé. Et, dans un bon nombre de ses articles des années 1920, après son retour dans sa province natale, en qualité de chef du bureau provincial d'hydraulique et d'ingénieur en chef du bureau d'hydraulique du Weibei, tout juste créé, dans un bon nombre de ses articles, donc, Li Jue affirme que le projet qu'il a mis au point permettra d'irriguer une superficie aussi vaste que le canal des Qin et des Han. Autrement dit, d'irriguer ce chiffre mythique de 4 millions de mous, ou à peu près 240 000 hectares, dont j'avais parlé l'année dernière. En fait, la superficie irriguée par le canal moderne inauguré en 1932 devait être inférieure à 600 000 mous, c'est-à-dire 36 000 hectares. Quoi qu'il en soit, et là encore, c'est ce que j'avais exposé en détail il y a un an, l'examen critique des sources montre que, contrairement à la pieuse légende entretenue aujourd'hui autour de son nom, Li Jue avait dû accepter beaucoup de compromis avec les seigneurs de la guerre locaux pour faire avancer son projet, d'ailleurs sans aboutir en fin de compte. Il était retourné au Shanxi en 1922, dans la deuxième moitié de 1922, pour servir comme responsable du bureau d'hydraulique, donc, sous l'autorité d'un gouverneur militaire, par ailleurs assez peu ragoûtant, le général Liu Zhenhua, après avoir été sollicité plusieurs fois, mais avoir toujours refusé. Et il était donc retourné pour servir sous l'autorité de ce gouverneur militaire, après avoir été assuré qu'au terme d'une période de guerre civile au cœur même de la région du Guangzhou, là où se trouvait justement le site d'irrigation du Weibei, le calme était revenu, l'ordre était retourné, et que le gouverneur militaire en question était à peu près solidement installé. En même temps, Li Jue avait dû accepter le patronage d'un autre seigneur de la guerre, un personnage d'ailleurs très intéressant, le général Ru Tingyi, qui était un ancien adversaire de Liu Zhenhua et aussi un futur adversaire, mais qui à ce moment-là ne l'était pas. Et à cette époque, donc, le général Ru Tingyi, donc ancien et futur adversaire de Liu Zhenhua, qui bien que ne contestant pas la position de ce dernier à Xi'an comme gouverneur militaire, et bien à ce moment-là en tout cas, et bien que participant à ce moment à un conflit entre coalitions de militaristes hors de la province, continuait de contrôler de facto le secteur où se trouvait le périmètre d'irrigation du Weibei, sur la rive gauche de la Wei. Et enfin, Li Jue était également obligé de se concilier les bonnes grâces d'un troisième général, dont le nom importe peu ici, et qui était le représentant sur place de Ru Tingyi. Cela étant, et nous retrouvons ici la combinatoire, sinon la triple alliance, des ingénieurs, des seigneurs de la guerre et de la philanthropie, cela étant, une autre raison est probablement déterminante qui avait encouragé Li Jue à revenir au Shanxi après plusieurs refus, c'est que la province sortait tout juste de la grande sécheresse de 1920-21 en Chine du Nord, laquelle avait été durement ressentie au Shanxi, mais pas de façon aussi catastrophique malgré tout que dans le centre et dans l'est, et que pour la première fois s'était constitué à Xi'an un comité provincial sino-étranger de lutte contre la famine. L'un de ces comités qui devait se fédérer au sein de la CIFRC à la fin de 1921. Ce comité disposait de moyens non négligeables grâce aux appels de fonds dans tout le pays et à l'étranger, et en 1922, donc à la fin de la famine, il restait des fonds non employés et susceptibles d'être affectés à une opération d'infrastructure comme le projet du Weibei. Et en effet, Li Jue, qui est devenu tout de suite, dès son retour au Shanxi, un des cadres du comité provincial de la CIFRC, Li Jue a pu utiliser ces fonds pour financer les campagnes d'arpentage et d'études du terrain, au terme desquelles il a publié son projet de nouveau canal et de nouveaux réseaux d'irrigation. La CIFRC est donc désormais dans le coup. L'ingénieur Todd, qui tenait Li Jue en grande estime, et après tout c'était un collègue de la CIFRC, l'ingénieur Todd vient examiner ses plans et parcourir le terrain en 1924, et il convainc le gouverneur militaire Liu Zhenhua de coopérer financièrement avec la CIFRC pour réaliser le projet. Et pendant une courte période, donc à la fin de 1924, ce projet a paru sur le point de se faire et il a même été annoncé dans la presse en langue anglaise des grandes villes de la côte, à Pékin, à Tianjin et à Shanghai. Et probablement aussi dans la presse en chinois, mais là, je vous avoue que je n'ai pas fait encore la recherche. Et il se trouve que les archives de l'ingénieur Todd, que j'ai consultées à Stanford, ne contiennent que des coupures de presse en anglais. Mais les choses se sont ensuite délitées très vite à cause de la reprise de la guerre entre coalitions de militaristes à l'échelle nationale, une guerre dans laquelle les militaristes du Shaanxi, sous le patronage desquels Li Yijie avait placé, et même placé de façon publiée, son projet, se sont retrouvés impliqués, mais pas du même côté, et sur des champs de bataille extérieurs à la province. Le gouverneur Liu Zhenhua, battu à plate couture par le général Hu Tingyi, son ancien subordonné, dans la province du Henan, ayant disparu temporairement de la scène, il n'y avait plus à Xi'an d'autorité crédible sur laquelle la CIFRC put compter pour partager le financement du projet du Weibei. Et de toute façon, l'anarchie régnait de nouveau dans la région, la plaine du Guangzhou étant livrée aux affrontements de petits seigneurs de la guerre locaux qui défendaient chacun son fief. Pendant l'année 1925, Li Yijie voyage dans tout le pays à la recherche de financement, mais sans résultat. Dans la situation de guerre civile où se trouve alors le pays, de nouveau, alors que même la capitale, que même Pékin passe sous le contrôle d'une alliance de seigneurs de la guerre après l'autre, et que l'incertitude la plus totale règne sur la façon dont les choses vont tourner, aucun organisme étranger n'accepterait d'investir des fonds dans un projet à long terme. Et la CIFRC elle-même, qui s'était pourtant beaucoup engagée, gèle le projet. L'année 1926 est encore pire. Li Yijie ne peut même pas regagner ses bureaux à Xi'an car la ville est à présent assiégée par son ancien gouverneur, Liu Zhenhua, qui, dans des circonstances dont le détail importe peu ici, a réussi à se refaire une santé, militairement parlant, et a été envoyé par les nouveaux maîtres de Pékin reconquérir pour leur compte les territoires contrôlés par ses anciens ennemis, c'est-à-dire par les successeurs de Hu Tingyi, qui était mort de maladie en 1925. Le siège de Xi'an a duré 8 mois, dans des conditions effroyables pour les habitants de la ville, dont des dizaines de milliers, on parle souvent de 50 000, sont morts de faim. La ville est libérée en novembre 1926 par les forces d'un autre seigneur de la guerre, et celui-là une célébrité, qui n'est autre que Feng Yuxiang. Celui-ci, qui avait été brièvement gouverneur militaire à Xi'an en 1922, ça j'en avais parlé aussi, je l'avais évoqué, Feng Yuxiang donc revient de très loin, aussi bien dans sa carrière militaire, dans sa carrière de seigneur de la guerre, car il avait été écarté de Pékin par ses alliés après s'en être emparé en 1924 et il avait dû se replier en Mongolie intérieure, aussi bien donc dans sa carrière militaire que géographiquement. Il était en effet parti en voyage d'études à Moscou et c'est là qu'il s'était laissé persuader de se joindre au parti nationaliste, désormais dominé par Chiang Kai-shek depuis la mort de Sun Yat-sen en 1925, de se joindre au parti nationaliste qui était allié à ce moment-là, comme vous le savez, avec le parti communiste chinois, d'où l'influence soviétique, et dont les forces étaient en position de reconquérir le nord de la Chine depuis leur base cantonaise. Will you please have room belongings and boarding pass ready? And book aircraft by gate number 2. Wish you pleasant journey. Goodbye. Last Monday I met you. We passed on different sides. I met you again on Tuesday. Your face, you tried to hide, but that reflection I can't cease to get off my mind. I got to Excusez-moi, il n'y a pas de minibar. Un autre regard, une autre écoute, France Culture au 59e Festival de Cannes du 17 au 28 mai. Avec le Majestic Barrière et le Palais des Festivals. Oui, je veux bien un peu d'eau, s'il vous plaît. Eh bien, de l'eau et vous aimez bien. Magazine, portraits, table ronde, témoignages, archives, tout savoir, franceculture.com. Ah, c'est ça mon lit. C'est mon lit. Non, mais pas là-bas. Si, je te jure, je bien. Je te jure. France Culture, partenaire de Borges plus Goya, un spectacle de Rodrigo Garcia et la Carnicière à Teatro, du 8 mai au 3 juin, au Théâtre de la Cité Internationale à Paris. Un spectacle composé de deux monologues, inspiré par deux artistes essentiels dans la vie de Rodrigo Garcia, Borges, un écrivain qu'il admire et qu'il exaspère, et Goya, dont il dit « Je préfère que ce soit Goya qui m'empêche de fermer l'œil plutôt que n'importe quel enfoiré ». Borges plus Goya, au Théâtre de la Cité Internationale, à Paris, du 8 mai au 3 juin, avec France Culture. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Cannes aujourd'hui, Cannes hier, avant-hier, temps de mémoire en coproduction avec l'INA, le Festival de Cannes a écouté sur la partition du passé, second volet, ce soir, à 21h. Rappel, on se retrouve ce soir. Oui. Le matin, c'est la plus belle image du monde. On devrait l'encadrer. Vous êtes sur France Culture. Bonjour, votre matinée sur France Culture. 9h05, la nouvelle fabrique de l'histoire. Cette semaine, histoire de la nostalgie, et ce matin, le grand témoin est Jean Starobinski, écrivain et professeur d'histoire des idées à l'Université de Genève. 10h, le temps des humanités s'ouvre sur les lundis de l'histoire et aujourd'hui, la République entre races et nations, à propos du livre « La France aux Français, histoire des haines nationalistes » de Pierre Birnbaum et du livre « La République raciale, paradigme racial et idéologie républicaine 1860-1930 » de Carole Reynaud, émission en compagnie des deux auteurs. 11h, fiction, feuilleton, les Mayas, roman d'une famille portugaise, Dessa de Caroche, 11e épisode. 11h30, les chemins de la connaissance, cette semaine, au nom du père, font le constat de l'évolution de la figure traditionnelle du pater familias jusqu'à ce que les sociologues appellent aujourd'hui une paternité négociée, des points d'évolution mais aussi des invariants. Et tout de suite, les matins de France Culture se lèvent avec Nicolas Demorand. Bonjour à tous et bienvenue sur France Culture, il est 6h58, le programme de cette matinale du 15 mai 2006, lundi, avec un premier rendez-vous à 7h20, les enjeux internationaux, quelles conséquences régionales et juridiques possibles d'une éventuelle attaque américaine contre l'Iran dans le dossier nucléaire. Puis à 7h40, l'invité de France Culture est ce matin le premier secrétaire du Parti Socialiste, François Hollande. Il publie chez Stock un livre d'entretien avec Edoui Plenel sous le titre « Devoir de vérité, devoir au pluriel ». C'est une large réflexion sur la France d'aujourd'hui, sur l'action politique et le gouvernement, une réflexion aussi sur le sens même du socialisme et l'idée de projet qui doit pour François Hollande être au cœur des batailles électorales qui s'annoncent. On fait de la politique pour des idées et non pour des personnes, dit-il. Pas d'erreur de perspective si l'on veut sortir la France de la situation dans laquelle elle se trouve. On le voit, même pas la peine de surligner les choses. Il y a entre ces analyses sereines, couché sur le papier et la réalité de la vie politique, un écart tel qu'on pourrait le qualifier de gouffre, et on essaiera de mesurer tout à l'heure cette distance avec François Hollande. On lui demandera aussi son analyse de la situation actuelle de la France, l'affaire Clearstream notamment, qui continue à produire des secousses brutales dans la vie politique. On l'entendra tout de suite dans le journal de Véronique Pellerin. Des répliques judiciaires sont encore attendues cette semaine, et on se demande où tout cela va bien pouvoir conduire. Ça conduira en tout cas à l'Assemblée nationale à une motion de censure présentée par le Parti Socialiste demain. On posera tout à l'heure à François Hollande la question de savoir si on est face à une fin de règne ou à une crise de régime. Fin de règne ou crise de régime, c'est lui-même qui pose la question dans ce livre, écrit bien avant le début de l'affaire, c'était à propos du CPE. Voilà donc quelques éléments du programme de notre entretien tout à l'heure avec François Hollande. Il est pour l'instant 7h. Et la première édition du journal vous est présentée sur France Culture par Véronique Pellerin. Bonjour Véronique. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. François Bayrou votera demain la motion de censure déposée par les socialistes. Le président de l'UDF estime qu'il faut mettre un terme à la déliquescence et à l'effondrement de l'État. Dernier développement de l'affaire Clostream, le général Rondeau, qui avait d'abord chargé le président de la République et le Premier ministre, les dédouane. L'ancien responsable de la DGSE annonce qu'il ne répondra plus aux convocations des juges. Alors que Laurence Parisot, la présidente du MEDEF, reçoit aujourd'hui les confédérations syndicales pour discuter de la flexibilité, le groupe EADS annonce la fermeture de la Sogerma à Mérignac et promet de reclasser ses 1100 salariés. Les chrétiens d'Orient, face à la montée de l'islam intégriste et face à la violence interconfessionnelle, leurs patriarches diront leurs inquiétudes au président de la République qui les reçoit ce matin. François Bayrou, donc, saute le Rubicon. Le président de l'UDF appelle les députés de son groupe à voter avec lui demain la censure du gouvernement en se joignant aux socialistes. François Bayrou estime que l'état de déliquescence dans lequel l'affaire Clostream a plongé le pays justifie cette décision. J'ai décidé de voter la motion de censure. Parce qu'il y a une question qui se pose et qui est celle-ci. Est-ce que ça peut durer encore un an comme ça? Ce qui ne peut pas durer, c'est... au sein du gouvernement, cette haine, ce nœud de haine que l'on voit entre les principaux responsables de l'État et la mise au service de cette haine de ce que l'État a de plus sensible, les services secrets. Les Français qui entendent ça, ils disent bien entendu, ça ne peut pas durer un an. Et la question c'est, qui peut l'arrêter ? Qui peut faire que cette déliquescence, cet effondrement de l'État cesse ? Dans la République française, il y a deux autorités qui peuvent faire que cette déliquescence cesse. La première, c'est le président de la République. Et la deuxième, c'est l'Assemblée nationale. Ce sont les députés qui peuvent, en leur âme et conscience, personnellement, sans avoir à obéir à aucun ordre, interrompre cette déliquescence et mettre fin à ce déclin. Mais même si tous les députés UDF votent avec toute la gauche, la motion de censure n'a aucune chance d'être adoptée puisque l'UMP possède la majorité absolue à l'Assemblée nationale. En évoquant la haine qui règne au sommet de l'État, François Bayrou fait bien entendu allusion à la rivalité qui oppose le Premier ministre Dominique de Villepin, soutenu par le Président de la République, et Nicolas Sarkozy, le ministre de l'Intérieur. En choisissant de rester au gouvernement, afin, a-t-il expliqué samedi, de ne pas ajouter une crise à la crise, Nicolas Sarkozy fige la situation, du moins provisoirement, car il n'a pas caché qu'il pourrait revoir sa décision et claquer la porte en fonction des prochains développements de l'affaire Clostream. Pour l'heure, c'est le général Rondeau qui est sur la sellette. Après avoir chargé le président de la République et le Premier ministre, il fait aujourd'hui marche arrière. Les explications d'Étienne Monin. L'audition devant les juges du général Rondeau fin mars, c'est le premier élément qui implique le Premier ministre et le Président. Philippe Rondeau, contre toute attente, semble se mettre à table. Il révèle la réunion du 9 janvier 2004 autour du premier listing avec Dominique de Villepin. Il dit que l'ancien ministre des Affaires étrangères agit sur instruction du Président. Il indique que l'enquête secrète porte sur les personnalités. Il ajoute que le nom de Nicolas Sarkozy figure sur le premier listing qui lui est remis. Plus tard, la révélation des notes du général devient accablante. L'intérêt pour Nicolas Sarkozy est visible, l'implication du chef de l'État apparaît importante, l'intérêt de Dominique de Villepin pour cette enquête est flagrante. Le général Rondeau est devenu témoin principal dans le volet de l'enquête secrète. Il est l'homme qui charge volontairement ou involontairement Dominique de Villepin et Jacques Chirac. Son audition cette semaine devait être capitale. Hier, il a décidé de peser face au juge. Il réclame le statut de témoin assisté. Il pose aussi les bases de sa défense en faisant maintenant corps avec le chef de l'État et le Premier ministre. Si l'affaire Clostream semble si compliquée, si embrouillée, c'est qu'elle mélange deux tentatives possibles de déstabilisation. L'une politique contre, entre autres, Nicolas Sarkozy. En tout cas, le ministre de l'Intérieur est convaincu qu'on a voulu lui couper l'herbe sous les pieds un an avant l'élection présidentielle. Mais une autre lecture est possible. La tentative de décrédibilisation d'un juge, en l'occurrence Renaud von Rimbeck, qui approche d'un peu trop près de la vérité dans un dossier de commission occulte versé lors de la vente des frégates militaires à Taïwan. Cette deuxième hypothèse, sur fond de rivalité industrielle et commerciale entre les groupes Lagardère et Thomson, est privilégiée par l'un des acteurs du marché de l'armement, Jean de Tonguedec. Un des objectifs du corbeau, c'est d'égarer le juge dans des directions qui ne mèneront nulle part et on va le noyer sous un flot d'informations, faire en sorte qu'il s'éloigne de sa cible principale.